Chapitre 6e. Saigon monumental, rue et boulevard. La capitale de la Cochinchine est sans conteste la ville la plus importante des possessions coloniales de la France. Dans les 30 années qui ont suivi son annexion, elle a été fort embellie. Saigon est maintenant une des plus jolies cités de l'Extrême-Orient. Un beau palais a été édifié pour le gouverneur général. On a construit des monuments publics qui orneraient n'importe quelle ville au monde. De magnifiques avenues de tamariniers et de manguiers jettent une ombre bienfaisante sur des routes larges et bien tracées. Saigon n'est certes pas une ville de marbre, mais la simple brique y est savamment ordonnée par des hommes de l'art que le budget, gros de ressources, de la colonie permet de conserver pour le constant embellissement de la cité grandissante. De très nombreux édifices font émerger des antiques marais de guéadines. Chaque boulevard, conquis sur des aires royaux vaseux et gardé par des villas fleuries et d'élégants palais, et tout en haut de la ville, la cathédrale impose son énorme masse édifiée dans le meilleur style roman. Ses hautes tours carrées sont aperçues de fort loin à chaque détour du fleuve qui conduit de la mer à la ville. Construit sur le point culminant de Saigon, ce beau monument est cher à plus d'un titre saïgonais. Il est flatteur pour leur amour-propre et de plus, par-dessus d'une cause tout imprévue, cette cathédrale a des droits à notre reconnaissance. C'est en établissant les fondations profondes qu'on a découvert la vaste nappe de l'Impide qui alimente largement Saigon d'une eau qu'environ beaucoup de villes en France. Le débit de ce lac souterrain est inépuisable et pendant la saison sèche, comme pendant l'hivernage, les fontaines publiques et les canalisations particulières ne tarissent jamais. Cependant, le sol, sablonneux à souhait, qui forme un filtre naturel à ce lac bienfaisant, a créé mille difficultés aux constructeurs de cette lourde bâtisse et il a fallu prolonger les premiers travaux d'édification pour chercher très bas un terrain résistant. Néanmoins, la masse l'a emporté et une des tours s'est enfoncée, oh bien légèrement, mais d'une manière appréciable cependant, de sorte que, tout comme Notre-Dame, la cathédrale de Saigon a des tours d'inégale hauteur, en déplaise aux amateurs de symétrie irréprochable. Cette superbe église est le rêve réalisé d'un vieux colon de Cochinchine, le curé de Saigon. Il a prêché et quêté de si heureuse manière que les millions ont afflué et sont venus assez vite cimenter les murs de son cher édifice. Sur la place de la cathédrale, le service des postes et des télégraphes est largement installé dans un palais, bâti en neuf, décoré dans la manière des pavillons de notre dernière exposition. Quelques-unes de ses peintures vives à fraises sont du meilleur goût et d'un prodigieux effet dans ce cadre de soleil. Tout en haut de la ville, qu'il traverse du nord au sud, le boulevard Norodom rend hommage à Sa Majesté Norodom Ier, roi du Cambodge, notre protégé, bien connu dans la vieille Europe pour sa prodigalité de petits rubans très rouges et à peine verts, qui joue à s'y méprendre notre ruban de la Légion d'honneur. Et en juger par le nombre de fidèles qui portent ces couleurs, cette majesté café au lait a bien droit à la reconnaissance publique. Aussi, le boulevard qui porte son nom est-il parmi les plus beaux. Long de quelques centaines de mètres, il est riche en monuments. Le superbe palais du gouvernement, le bar avec sa longue façade de casino, et la cathédrale lui présente son abside arc-boutée. De l'autre côté se dresse le château d'eau qui renvoie, dans toute la ville, l'eau de la nappe souterraine avec une pression suffisante pour permettre l'emploi des douches réconfortantes. Sur ce même boulevard s'élève, en bronze, la grande figure de Gambetta. Elle apprend aux anamites, nos sujets, que chez nous on dresse des statues, et avec raison, aux courageux qui s'efforcent de balayer le sol national de l'invasion étrangère. Gambetta est représenté dans un habit fourré, un peu chaud pour le pays, avec la tête rejetée en arrière, s'écriant « Messieurs, au Tonkin !» N'importe, les destins comme les flots sont changeants, et les retours des choses humaines sont curieux. Pauvre Gambetta, comme il apparaît maintenant animé du plus pur patriotisme, ne pensant qu'à la France et à la grandeur de son domaine. Plus loin, on trouve le cercle des officiers, l'hôtel et le parc du général, et enfin, tout au bout, les casernes, bien situées, hardiment construite. Nos jeunes marsouins sont vaillants en Cochinchine, et depuis longtemps l'hôpital est bien trop grand. Mais à la vérité, peu de cases sont aussi heureusement placées que ces fameuses casernes qui laissent loin derrière elles les baraques de Colombo dont les Anglais sont si fiers. Un peu plus bas, dans le cœur de la ville, le palais du lieutenant-gouverneur étale une architecture corinthienne qu'on est vraiment étonné de retrouver ici. Dans ces villes coloniales de gestation rapide, on ne s'attend guère à voir de hautes colonnes à chapiteaux fouillés et la grâce imposante du style grec. Tout à côté, le palais de justice occupe un large espace avec ses trois corps de bâtiments d'un style sévère. Le large boulevard Charnère, conquis sur un ancien arroyau fangeux, ouvre une vue superbe sur le port de commerce et joue à merveille la canne-bière. Il est juste de dire, pour ne point blesser le légitime amour-propre des Marseillais, qu'il ne lui est nullement comparable pour l'animation. À défaut du mouvement marseillais, cette large promenade jouit d'autres avantages. Une fois la semaine, la musique de l'infanterie de marine réunit, après dîner, tout ce que Saïgon compte de poumons avides de respirer un peu d'air rafraîchi par la brise de la rivière qui coule large au bout du boulevard. De nombreux cafés s'échelonnent de l'un et de l'autre côté de la promenade et ouvrent sur le boulevard leur large véranda gaie de lumière. Nous renvoyons au plan de Saïgon pour le long chapelet des rues de la ville. Beaucoup de noms appartiennent aux gothas de la marine, d'autres sont d'origine locale et rappellent, sur les plaques bleues des rues, des noms de rois, de guerriers ou de villes de l'Annam, du Cambodge ou de Chine. Et encore, rue est un terme impropre. Si le moindre gascon s'était mêlé du baptême, il n'y aurait que des allées. En effet, en tous sens, de larges avenues, fuyant toutes droites sous un berceau de feuillage, traversent cet immense jardin émaillé de caïnas et de palais. La célèbre rue Catina se distingue cependant par des arbres plus chétifs et par des maisons à l'allure européenne, avec des devantures et un éclairage étincelant. Toute une longue suite de boutiques offre aux clients le shampoing américain, le remontoir Waterbury, le complet crémieux ou l'ultime sensation du divin lotis.